Ne cherchez plus. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Thierry Gallet depuis la maison. Oui, ça s'appelle cet enregistrement un home recording et c'est le numéro 2. Figurez-vous que j'en ai retrouvé un qui date d'il y a 2 ans, en 2017, en l'été 2017, que je n'ai toujours pas diffusé sur RG, ça arrivera peut-être un jour. Et celui-ci donc est enregistré en février 2019 et il sera diffusé ou pas, un jour, ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais c'est pas grave, je m'amuse et puis ça peut toujours servir, on ne sait jamais. L'album de la semaine de ce home recording de la saga des Fab Four, c'est Please Please Me des Beatles en 1963. Le titre exact d'ailleurs de cet album-là, c'est Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs. On écoutera I Saw Her Standing There, Love Me Do, Please Please Me, Boys, Do You Want to Know a Secret et Twist and Shout. Il y aura également McCartney, Lennon, Harrison et Starr évidemment. Pour McCartney, ce sera Teddy Boy en 1970 sur l'album McCartney. Pour Lennon, ce sera Mother, mais pas la chanson de l'album Plastic Ono Band de 1970, mais un des essais qu'il avait fait sur l'anthologie Ascot, anthologie 1 qui est sortie en 1998. Verrez, c'est bien aussi. Pour George Harrison, ce sera Apple Scruffs avec ce superbe morceau d'harmonica que vous entendrez sur l'album All Things Must Pass. Et pour Ringo Starr, nous entendrons Have I Told You Lately That I Love You, titre long mais très agréable en tout cas à entendre, sur l'album Sentimental Journée en 1970 aussi. Pour le reste, eh bien, je vous promets, enfin j'espère vous promettre 2 heures de bonne musique en enregistrée qui est fait à la maison. Et ça se passera bien, j'espère. Vous pouvez de toute façon, si cette émission est enregistrée, vous pouvez aller sur Facebook et commenter ensemble cette émission, même si je ne suis pas présent. Pourquoi pas ? C'est très bien. Sur Facebook, c'est le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook, tout simplement. Voilà. Eh bien, le générique se termine. Nous allons commencer avec le premier titre. I Saw Her Standing There. Premier titre du premier album des Beatles en 1963. Et quel titre ? C'est parti, je vous souhaite une très très bonne soirée sur RG. C'est la saga des Fab Four, le home recording. 1, 2, 3, 4! Yeah.

typical he would. Cette chanson avait été travaillée avec les Beatles, mais quand on écoute les enregistrements, on a l'impression quand même que John Lennon s'en fout un petit peu. Ou alors c'est une impression personnelle. Bon, en tout cas, il l'a gardée pour lui, Paul McCartney, et c'est très bien. La chanson suivante, je vous l'ai dit, Mother, pas celle qui est sortie en 1970 sur Plastic Ono Band, mais celle gardée en... Vous savez, quand il compose une chanson, il cherche le bon rythme, la bonne version, etc. En voici une version plutôt sympa sortie sur l'anthologie de John Lennon en 1998, Mother sur RG. Well, that was more like it. Now, what you sitting there, seeing the passers-by all stir, like you have no place to go. There's so much they don't know about.

Thierry Gallet, animateur radio, un homme élevé aux Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. So I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do when she's not there. Take a walk and look for her. Though tonight she's made me sad, I still love her. If I find her, I'll be glad. I still love her. I don't want to spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. If I find her, I'll be glad. I still love her. Though I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do if she's not there. I wonder what went wrong. I waited far too long. But I think I'll take a walk and look for her. Deux Beatles à la suite. Tout d'abord, il y a eu... Ah oui, si je dis tout d'abord, il faut que je dise « Please, Mr. Postman » sur l'album « With the Beatles » en 63. Et puis à l'instant, « I don't want to spoil the party » sur l'album « For Sale » dans cette très sympathique année de 1964. Vous écoutez la saga des Fab Four Home Recording, puisque je l'enregistre à la maison actuellement. Nous sommes en février 2019. Si vous l'entendez, c'est probablement que je ne serai pas à la radio RIG ce jour-là, mais vous pouvez toujours commenter sur le groupe Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. J'espère que tout se passe bien pour vous. Ici, ça va, il fait beau. Et bien, c'est sympa d'enregistrer à la maison aussi, c'est plutôt assez marrant. Je vous propose Paul McCartney en 1978 sur l'album London Town et la chanson éponyme London Town sur RIG. Down.

franchement, elle passe drôlement bien cette chanson. The Long and Winding Road, la version de 1984 de Give My Regards to Broad Street. Dur à dire. Oh, il pleut. Non, c'est dans la chanson, tout va bien. Je vous propose de rejoindre George Harrison en 1981. Il devait destiner cette chanson à Ringo Starr, mais le temps de la préparer, il y a eu, fin 1980, vous le savez, l'assassinat de John Lennon. Il a eu l'idée, George, de ne pas donner cette chanson à Ringo, de retravailler le set de paroles, d'inviter Ringo, d'inviter Paul et de rendre hommage à John pour cette belle chanson qui avait fait un hit aux États-Unis. J'y étais à l'époque, en 1981. C'est All Those Years Ago sur RIG. They cheated you like a dog. They knew were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give, they don't act with much honesty. But you put the weight to the truth when you say all you need is love. Living with good and bad, if you feel like giving up. as bad as you think it is, 'cause every bad day turns around. Forgive yourself for all the things you did. The medical man. Première fois que je fais la relation, mais là on a entendu Out, It's a Very Vertical Man, Ringo Starr en 1998. Et des années plus tard, Paul McCartney a dit OUT spells out, out, that's out, out. Ouais, c'est pareil. Non, il n'a pas copié. Non, non, c'est totalement différent quand même. Allez, vous êtes bien sur RIG 90.7 ou sur www.rigfm.fr si vous nous captez via l'Internet. C'est une saga enregistrée. Je suis à la maison au moment où je l'enregistre. On est au mois de février 2019. Je ne sais pas du tout quand cette saga sera diffusée à l'antenne ni quel numéro elle portera. On verra bien. Ce sera sur un moment où je ne serai pas présent à la radio, et je suis souvent présent à la radio. Et voici une autre chanson que j'aime beaucoup. La chanson date de 1966, mais je vous propose une autre version, une version sortie sur l'anthologie. Voici Tomorrow Never Knows, mais dans une prise différente, et drôlement bien aussi. C'est sur RIG. Thank you. C'est ce que j'aime dans les anthologies, c'est la possibilité de découvrir une chanson qu'on connaît, mais dans une version différente. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs, que je vais donc appeler l'album Please Please Me, ce sera plus facile, des Beatles en 1963. Et voici cette chanson chantée par Ringo, Boys, sur RIG. De parler de la cover. La cover, c'est une chanson chantée par un artiste connu, ou pas, peut-être vous, pourquoi pas, mais c'est une chanson qui a été chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit en tant que Beatles ou après la séparation, même si eux-mêmes faisaient la reprise de quelqu'un, enfin d'une chanson en tout cas, de leur père, genre Little Richard, Chuck Berry ou que sais-je. Bref, cette chanson-là, c'est une place à part dans la saga, toujours. Et la chanson que je vais vous proposer d'entendre craque beaucoup. Le disque est très très vieux. C'est Jesse Fuller. C'est un extrait d'un album qui s'appelle The Roots of McCartney, sorti en 2009. Donc c'est les racines de McCartney en français. Je vous propose d'écouter San Francisco Bay Blues. Et juste à la suite, il y aura Paul McCartney lui-même en public devant, je crois, 300 ou 400 personnes privilégiées sur la chaîne MTV lorsqu'il a chanté pour la série Unplugged. Et il chantera San Francisco Bay Blues juste à la suite sur RIG dans la saga des Fab Four, enregistrée cette fois-ci. Oh oui, ça craque, ça craque. I'm going to sleep.

next to mine. Dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. Handle me with connu en 73, Tidas, John Lennon sur l'album Mind Games. Auparavant, c'était les Traveling Wilburys et Handle With Care en 1988. Nous revenons à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Please Please Me en 63 avec les Beatles. Et je voulais vous dire au sujet de cette chanson, la chanson qu'on va entendre, c'est la chanson Do You Want to Know a Secret? C'est pendant qu'il vivait dans cet appartement que, dans un appartement au 36 Walkner Street, pas toujours facile, que John écrivit cette chanson du You Want to Know a Secret. Le secret en question était qu'il venait de comprendre qu'il était amoureux. Tout comme Please Please Me, ce morceau s'inspirait d'une chanson que lui chantait sa mère et qui provient de Blanche-Neige et les Sept Nains, le dessin animé de Walt Disney sorti en 1937. Dans l'une des premières scènes du film, Blanche-Neige assure les tâches ménagères. Elle s'approche du puits du château et commence à chanter pour les oiseaux « Wanna know a secret? Promise not to tell? We're standing by a wishing well. » Soit dans la version française « Puis-je vous dire un secret? Vous jurez d'être discret? Un pouvoir magique est dans ce puits. » I'm wishing. Les paroles et la musique sont de Larry Mulray et Frank Churchill. John enregistra une maquette de Do You Want to Know a Secret à la guitare acoustique, assis aux toilettes. Un fait qui devint évident à la fin de la bande lorsqu'on entend le bruit d'une chasse d'eau. J'ai jamais entendu une chasse d'eau personnellement. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que John avait écrit cette chanson avec sa propre voix en tête, mais lorsque les Beatles enregistrèrent, elle fut offerte à George. Je pensais, dit-il, qu'elle lui conviendrait bien parce qu'elle se chante sur trois notes et qu'il n'était pas le plus grand interprète de la planète. On va dire que John Lennon était vraiment très très sympa avec ses collègues. On écoute cette chanson, Do You Want to Know a Secret? Et si vous entendez une chasse d'eau à la fin, on veut bien l'écouter, je suis pas convaincu. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Promise not to tell. Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh, listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Je viens d'écouter en me plaquant les écouteurs sur les oreilles. J'entends pas de chasse d'eau, alors on va dire que c'était sûrement sur la démo. Voilà, vous êtes bien sur RIG 90.7. Si vous écoutez, vous pouvez aussi le faire sur www.rigfm.fr. Et c'est une saga enregistrée à la maison au mois de février 2019. Et j'ignore totalement quand elle sera diffusée à l'antenne de RIG. Sachez que je le fais pour les fois où je ne peux pas être présent, ça arrive, c'est une petite radio, et donc on fait ce qu'on peut, on a un métier à côté tous, et voilà, c'est comme ça. Bon, j'espère que tout se passe bien, rappelez-vous que vous pouvez commenter sur Facebook, ça marche, si la radio diffuse, vous pouvez vous mettre sur le groupe La Saga des Fab Four et commenter, et tout se passera très bien. On continue la saga, il reste quoi? Une quarantaine de minutes peut-être à peu près d'émission. Voici Ringo Starr avec une chanson que je ne passe pas assez souvent et pourtant elle est très très bien. Tripping on my own tears, cet extrait de l'album Ringorama qui date de 2003. If you can't laugh, you know, what's the problem? Time. Then your love disappeared. You can't help crying when you love something so dear. There's a mind. September. La saga des Fab Four, c'est sur RIG. John Lennon tout en douceur en 1974 sur l'album Walls and Bridges. Je vous propose une version de Revolution de 1968, mais une version alternative. Jugez-en par vos oreilles, c'est plutôt très très sympa. Tell me that it's evolution. Well,

Extrait de The Bridge School Concert, sorti, l'album est sorti en 2011. Évidemment, c'était Paul McCartney, vous avez bien deviné. Dernier extrait de l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Please Please Me, sorti en 1963. Et pour cette chanson, John Lennon a tout donné. C'est la dernière chanson de l'album. C'est Twist and Shout. La première prise sera la bonne. La voici sur RIG. Plus calme, George Harrison sur Brainwashed avec ce titre Run So Far. Tears after dark. no escape, can only run so far. Lonely nights, traveling far. There's no way out, can only run so far. Lonesome tears. Version alternative de la fin, mais que vous ne retrouvez que sur l'anthologie 3 des Beatles ou sur la compilation Tomorrow Never Knows, sortie en 2010. Et justement, j'ai passé cette chanson, enfin cet instrument, moi, cette chanson, parce qu'il chante un petit peu quand même, juste pas tout à fait à la fin de l'émission, parce que l'émission n'est pas terminée. Il nous reste encore un John Lennon, deux McCartney et un Ringo Starr à passer. Donc, nous allons le faire parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Voici Clean Up Time en 1980 sur l'album Double Fantasy. À l'époque, je le dis à chaque fois parce que ça me fait bizarre de le dire et ça me fait de la peine même de le dire. À l'époque, John Lennon pensait qu'il pouvait faire table rase du passé, et que tout allait bien et qu'il avait encore la vie devant lui. Hélas, ça n'a pas été le cas. Bubble, bubble. Well, oracle spoken.

at the time when you walk in my life. What's gonna become of my rainbow now with the help of a love I know? I'm gonna get some of that rainbow now. Oh, waiting for the sun to shine in the meadow. Oh, waiting for the sun to shine. Oh, waiting for the sun to shine in the meadow. Oh, waiting for the sun to shine. You gotta love. Une rareté, la face B de Beautiful Night en 1987, Paul McCartney, et auparavant extrait de son dernier album en date en 2019, moment où j'enregistre cette émission. L'album c'est Egypt Station et le titre que vous avez entendu c'est Hand in Hand. Il nous reste un dernier titre, j'espère qu'on est à l'heure pour Eric s'il est après moi. Ce sera, et ça va être dans quelques secondes, Ringo Starr et Free Drinks. Nous sommes en 2005 et le titre du morceau l'album c'est Choose Love et le titre c'est Free Drinks et c'est pas 2005, c'est 2008, une erreur de mon logiciel. Good day. même en enregistrement, à un moment donné, il y a le mot fin qui arrive. Je vous remercie d'avoir écouté cet enregistrement de la saga des Femmes Fortes. J'espère que ça vous a plu. Et on se donne rendez-vous une prochaine fois, en vrai, j'en suis sûr, sur RIG 90.7, qui est la radio des Beatles. La saga des Femmes Fortes, ça existe depuis 1984 et ça continue jusqu'à... on ne sait pas. A bientôt, bisous filles, poignement aux garçons, c'était Thierry Gallet pour la saga des Femmes Fortes. Ciao.